FrenchPod.com. Bonjour, je cherche une librairie. Que voyez-vous autour de vous ? À vrai dire, j'ai oublié mes lentilles de contact. Attention ! C'est un vase très précieux ! Pardon, je vais ramasser. Attention ! Vous vous trouvez dans un magasin d'antiquités !